En Corée du Sud, 14 formations civiles et sociales, y compris les gens pour la paix et la réunification, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, la Solidarité pour le progrès et le comité de soutien aux détenus consciencieux du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation, ont organisé le 28 juin une conférence de presse contre les exercices militaires américano-nippo-sud-coréens. Elles ont critiqué leur exercice d'alerte aux missiles effectué le même jour au barrage des îles d'Hawaï.